Gros Twix. Oh, ils vous ont encore volé votre podcast? Oui, Gros Twix. Venez, les enfants. Et qui est le podcast? On en a une énorme envie. Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'80s de podcast. Alors, pour ce nouveau cadeau bonus, je reçois aujourd'hui Yetcha. Est-ce que Salut. Ça va, Yetcha? Oui, ça va très bien. Et Mr. Wiz. Est-ce que ça va, Wiz? Oh, ça va très bien, bonsoir à tous. Bon, et bien parfait, on va attaquer ce nouveau cadeau bonus qui aura pour thème ce soir la musique dans la pub. Alors, pour faire un bref résumé du sujet, nous avons déjà traité les publicités dans notre pilote, notre numéro 0, mais l'approche n'était pas seulement musicale, donc on a décidé un peu de se focaliser sur une composante, on va dire, essentielle et primordiale des publicités, à savoir leur musique. Donc, pour ce faire, nous allons catégoriser les sélections des chroniqueurs, selon donc trois catégories, les chansons utilisées donc sans modification, les créations originales et enfin les adaptations de chansons existantes. Voilà, donc je pense que le décor étant planté, on va pouvoir aller directement dans le vif du sujet avec la première catégorie, à savoir donc les chansons utilisées sans aucune modification. Alors, Yetcha nous a choisi pour démarrer une publicité Heineken. Donc cette publicité donc de 1986 dont on va commencer par s'écouter l'extrait et on en discute après. C'est parti. Ça marche. Dédie ce film à tous ceux que la bière fait rêver. Heineken, la bière qui fait aimer la bière. Ami de la bière, je te laisse la parole. Allez. Alors c'est justement ça qui est drôle, parce que je ne suis pas du tout un ami de la bière, je ne bois pas une goutte d'alcool, j'ai horreur de ça. Et en fait, cette publicité, la musique de Robert Palmer, elle est chaude, elle est agréable, c'est un peu jazzy. Il y a une bonne ambiance dans ce bar où tout le monde se retrouve. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur quand on a envie d'être avec eux et de partager ce moment-là. Et la bière qui va avec. Et la bière qui va avec, forcément, pour la publicité. Mais moi, cette pub, elle m'a marqué par sa musique, évidemment, qu'on fredonne assez facilement longtemps après avoir vu la pub. Mais par contre, vraiment, le passage qui m'a le plus marqué dans cette pub, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est la fin, enfin, dans la dernière partie, avec ce moustachu qui boit et qui a de la mousse plein les moustaches. Moi, j'ai toujours trouvé ça répugnant, en fait. Et ça m'a marqué, ça m'a dégoûté, en fait. Et à chaque fois que je voyais cette pub-là et que je pense à cette pub-là, je pense à ce monsieur avec sa moustache pleine de mousse de bière. Ça me répugne. Donc voilà, moi, j'ai été marqué par cette pub avec ça, surtout. Cette image-là me révulse un petit peu, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est de là qu'est venu mon, mon dégoût de la bière et de l'alcool, mais en tout cas, ça m'a marqué. Ouais. Ah, mais on est carrément sur du dégoût, quoi. Ah ouais. Non, mais moi, je me souviens que les produits laitiers ont fait la même chose. C'est souvent repris, ça, les lèvres un peu sales. La moustache. ça donne un côté sympa à la chose, mais apparemment, ça ne plaît pas à tout le monde, puisque toi, ça t'a dégoûté, donc ils ont perdu un client. Ça, c'est moche. Non, parce qu'à côté de ça, bon, outre le fait que voilà, quoi, c'est un peu le sosie d'Edvy Plenel. bon, voilà, oui, c'est un côté super. Ou super de John Catman. Oui. Bref, c'est ultra convivial, c'est voilà quoi. Vous voulez être joyeux, happy, machin, c'est buvez de la bière, quoi, c'est top. Bah, évidemment, qui a dit le contraire? Après, bon, de là à dire Heineken, forcément, on ne sait pas, mais. Donc, en tout cas, toi, Wiz, tu te souvenais, j'imagine, bien de cette pub? Ah oui, bah, pareil, essentiellement pour la musique, parce qu'après 86, quoi, j'avais 11 ans, la bière, c'était pas encore particulièrement ma tasse de thé. Donc, ça tombe bien, c'est de la bière. Voilà, c'est ça, donc ça tombe super bien. Après, voilà, quoi, visuellement, c'est bien, c'est chaud, c'est convivial, c'est plaisant, mais moi, c'est surtout la musique que j'ai retenue, que je connaissais pas d'avant, quoi. Donc, bah, voilà. De toute façon, je pense qu'on peut également, pendant qu'on est un peu encore dans le début de l'émission, on peut quand même résumer la chose en disant que le problème des musiques de publicité, c'est qu'on se souvient très souvent des musiques. Et peu des mais produits. Mais pas du produit, quoi. Exactement. C'est un peu, voilà, c'est l'écueil de la chose, c'est-à-dire qu'on mise à fond sur une musique connue, mais sauf que les gens après, est-ce qu'ils vraiment ils accrochent au produit, ça reste musique à prouver. Ou autre d'ailleurs, hein, bien sûr. Stars, des choses comme ça. C'est clair que si après, quand tu pousses ton caddie dans ton Félix Potin, est-ce qu'effectivement quand tu arrives au rayon bière, t'as la musique qui te revient et puis tu dis ouais c'est celle-là qu'il faut que je prenne. J'ai comme un doute. Bah oui, moi je suis même quasiment persuadé du contraire, mais bon. Est-ce que chez Félix Potin il y a de la Heineken? Est-ce que c'est pas que de l'agent là? Rah, je sais pas, mais en tout cas, chez Félix Potin, on y revient. C'est ça, on y revient. Bon, bah écoute, si personne n'a plus rien à dire sur cette pub, on va passer sur le premier choix de Wiz, qui va nous rappeler de bons souvenirs qu'on avait un tout petit peu évoqués lors de notre première émission, à savoir le Nesquik. Donc avec une pub et un peu le phénomène Nesquik en général, mais en tout cas une pub sur les pirates, c'est parti. Alors, on vous a volé votre Nesquik? Je sais qui a fait le coup. Nesquik, on en a une énorme envie. Donc cette pub Nesquik qui est borderline, puisque plutôt 79-80, a priori, mais elle est borderline, c'est... Oh, excuse-moi. Tu vas nous expliquer ça, Wiz? Non, mais je te laisse volontiers la parole pour nous parler de notre ami Grosquik. Eh oui, elle est borderline en fonction des sources. Je l'ai trouvée en 79, 80 et 80 sur le site de l'INA, donc bon... C'est quelque part entre les trois. Donc, Grosquik, c'est un peu le personnage avec lequel on a tous grandi. Eh oui. Pour la petite case encyclopédique, il a été créé en 1978 et sa marionnette a été réalisée par Yves Brunier, qui est le papa de Casimir. Ah, je savais pas. D'accord. Et ben, je savais pas non plus encore ce matin. D'accord. Et j'ai trouvé, parce qu'en fait, les toutes premières publicités qui ont été faites, c'était pas du tout un dessin animé, c'était une vraie marionnette. Oui, j'ai vu, ouais. Qui se promenait dans la rue, qui avait pas du tout le même caractère, parce que c'était plutôt le pet-couille qui venait, puis qui disait, bah voilà, maintenant je veux mon Nesquik, donc point. Alors que très rapidement, on l'a remplacé par un dessin animé, donc celui qu'on voit là, mais qui a été décliné, je sais pas combien de fois, jusqu'à la fin des années 80, où il vient toujours secourir des pauvres petits enfants à qui on a volé leur Nesquik. Oh. Et puis les fameux rap-tout, là, les espèces de scénarisations des pubs, en effet. Tout à fait, il y a un petit côté très, très récurrent, donc voilà, on est content, et puis on se dit quelle va être la prochaine aventure. Donc voilà, donc, le produit, bon, bah, il vaut ce qu'il vaut. Moi, perso, à l'époque, c'était plutôt Ovomaltine, mais quand il n'y en avait pas, je prenais du Nesquik. Ovomaltine, ah ouais. Ah, moi, c'est de la dynamite, quoi. C'est exactement... Okay. Ah bah ça, oui, la dynamite. Ah. Moi, je sais que ça me faisait un peu peur, ces ovomaltines, parce que j'avais l'impression que c'était un peu des graines ou des... Enfin, je sais pas, ça me... ça me donnait pas plus envie que ça. Alors que Nesquik, bon bah on était rassuré par justement gros Quick. Bah moi je prenais plus du Benko, alors bon, comme ça. Et bah voilà, comme ça la boucle est bouclée. Bon, il nous manque un chroniqueur de l'école Super Poulain ou je ne sais quoi, et puis on serait bien. Ou du Banania, quoi. C'est ça, chacun sa maison. Voilà, que dire d'autre ? La musique, donc, qui est absolument, absolument incontournable, qui est un titre de Jacques Naud de 1979, qui s'appelle Rectangle, et donc à qui on doit un certain nombre de bricoles, et plus près de moi, la production du premier album de Lio, que j'adore tout particulièrement. Ah, d'accord. Voilà. Moi, mon premier choix, eh bien, c'est Royal Canin. Et Royal Canin, on écoute et on se tait. Falco, Falco. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature. Savoir qu'il a besoin d'exercice, de liberté et d'équilibre. Avec Royal Canin, vous donnez à votre chien une alimentation complète et adaptée, qui lui fournit toutes les protéines et vitamines nécessaires à sa vitalité. Royal Canin, le vrai respect du chien. Donc, Royal Canin de 1986. Je dois dire que mon choix s'est porté sur cette publicité avant tout car j'ai une passion pour les bergers allemands. Non, mes parents ont toujours eu des chiens. J'ai donc grandi auprès de chiens de race boxer. Et ils ne leur donnaient absolument pas de céréales, puisque mes parents étaient bouchers, et donc les chiens de mes parents avaient la chance de manger de la viande, et pas des croquettes. Et quand je voyais ces pubs Royal Canin, je me disais, mais c'est bizarre ces choses qu'on donne aux chiens, puisque moi j'avais pas connu ça avec les chiens que j'avais chez moi. Et surtout, j'étais plutôt, on va dire, c'est ça la vraie raison, j'étais un fan de la musique d'Ennio Morricone. Puisque, effectivement, Royal Canin, c'est la musique du professionnel. Film avec Jean-Paul Belmondo. Donc, ça, pour le coup, c'est une musique que je pense absolument tout le monde connaît. Et l'associe, alors pas forcément à Royal Canin, parce que Jean-Paul Belmondo et le professionnel avaient quand même une renommée, je pense, supérieure à Royal Canin, je l'espère pour lui. Mais quelques années après, ça a été associé à autre chose. Voilà, le fameux Royal Rabbin. Exactement. Des nuls. Mais en même temps, étant donné qu'on axe l'émission sur la musique, je ne vais faire que le mentionner sans creuser dans le détail, mais oui. En gros, on voit juste Alain Chabat qui est déguisé en rabbin et qui court au milieu des blés, comme le berger allemand pouvait le faire dans les différentes pubs Royal Canin. Puisqu'il faut savoir, bien évidemment, qu'il s'agit d'une saga, là encore, et que ça va s'étaler tout au long de la décennie des 80s et même des 90s, en gardant toujours la même musique, et en changeant juste le nom de la gamme de produits Royal Canin. Alors, voilà. Le Royal Canin Maxi, le Royal Canin Seal, enfin bref. Les R&D dans les créations de croquettes, ils sont très productifs en différents types de croquettes. Mais est-ce le même berger allemand ? Eh ben, est-ce que c'est Mabrouk de 30 millions d'amis, tu sais, à fait. Est-ce que c'est Mabrouk 2 ou Mabrouk 3 on sait pas, quoi. On sait pas. Donc, toujours est-il que j'adore cette musique d'Ennio Morricone et que dans toutes les musiques de western et autres albums d'Ennio Morricone, ça fait partie de mes choix premiers. Donc, je me devais quand même de mentionner cette publicité. Mmh. Voilà. Bon, plus rien à dire sur cette pub, messieurs, non ? Hormis le rabbin, rien, c'est bon ? Oh bah, non, c'est vrai que c'est une belle... les paysages sont beaux, finalement. C'est une pub qui est finalement, esthétiquement, qui est plutôt belle aussi, parce qu'il y a des prises de vue avec le chien qui court qui sont vraiment belles, quoi. Enfin, c'est bien fait. C'est quand même c'est de la belle réalisation, quoi. Je suis d'accord. On n'est pas sur un film hollywoodien. Hein, non. On en reparlait sur d'autres produits, mais non, franchement, ça fait. Alors après, est-ce que ça colle bien avec des croquettes ? C'est le côté dynamique, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Ça lui donne la pêche, quoi. Il est en forme, il court partout, il est content, quoi. C'est justement ma grosse interrogation sur cette pub. Alors, j'avais vu le film à l'époque, j'avais même le 45 tours de la musique, donc voilà, c'était pas une nouveauté quand la pub est arrivée. Mais je me suis toujours demandé pourquoi mettre une musique aussi déprimante pour une pub pour chien. C'est-à-dire, franchement, vous avez un berger allemand, mes condoléances, mais donnez-lui du Royal Canin. on est dans ce moment, c'est presque aussi désespérant que la fin de programme avec la musique de Colombier là sur les oiseaux, oui. Les trucs de folon. Apollon. Ouais, exactement. Oui, c'est leur fin des programmes. Ah là, ça y est, je vais pleurer. Pourquoi ça, quoi? Franchement, pourquoi ça? C'est, vous avez un chien, je suis désolé pour vous, quoi. Donc, bon, ces 45 secondes de déprime vous sont offertes par Royal Canin. Alors, pour le coup, par contre, en termes de. Enfin, je sais pas après si vous avez pu avoir des chiens ou. Mais moi, en termes de marque de croquettes, du coup, c'est la seule que je connaisse, tu vois. Il y avait Frolic. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Et moi, Frolic. Non, il n'y avait pas un truc genre une pub Frolic, je sais pas quoi. Enfin, Frolic. Voilà, Frolic. Avec le genre, on se coule le paquet au-dessus de la gamelle, le chien, il se pointe. Enfin, bref. Exactement. Et puis, moi, ma chienne, on lui donnait les restes. Donc, ouais, c'était plus festif, Frolic. Ouais. Bon, on va peut-être pas faire une émission 30 millions d'amis. À la base, c'était quand même sur la musique dans la pub. Là, on est en train de déraper. On va parler des différents parfums et tout. Ça, c'est n'importe quoi. Bon, deuxième choix de Yetcha. Alors, qui va nous avouer qu'il aime pas le café, mais il a quand même pris une. Mais bon, c'est bien. La pub Nescafé Spécial Filtre Collegiala de 1981, dont on va s'écouter la musique tout de suite. Pour vous, Nescafé ouvre la route des grands cafés. Venus des hauts plateaux, ils ont franchi les montagnes, traversé les vallées. Les grands cafés du monde. Les voici aujourd'hui en Nescafé. Pure Colombie, délicat et parfumé. Pure Arabica, café riche à l'arôme puissant. Pure Colombie, pure Arabica, deux grands crus du café par Nescafé. Alors voilà, effectivement, Yetcha, est-ce que tu aimes le café? Alors je rigole encore parce que j'ai absolument horreur du café. Je déteste ça. C'est magnifique. J'adore. J'ai même l'horreur, mais c'est insupportable. Il y a un torréfacteur près de chez moi, c'est l'horreur parfois dans mon jardin. Ça sent de café grillé, j'ai horreur de ça. C'est comme ça. Néanmoins, moi, cette pub m'a profondément marqué justement par cette musique. J'ai eu, quand j'étais petit, le 45 tours, quand même, et je l'ai passé en boucle et en boucle et en boucle dans mon tourne-disque. Alors que je ne parlais pas espagnol, je chantais à tire-larigot à qui voulait l'entendre la chanson. Enfin, vraiment, j'étais ultra ultra fan de la chanson. Et la pub, les images me faisaient rêver aussi parce que c'était du voyage. J'aimais bien les trains, comme beaucoup de petits garçons. Et donc moi, ça m'a fait à la fois rêver par les images. Et par la musique que j'adore. Et dès que j'entends cette pub, moi, je peux pas m'empêcher de fredonner à la chanson. Ça, c'est clair, quoi. Alors, c'est pareil. Ça, c'est une des composantes essentielles des pubs. C'est effectivement la dimension de voyage, de rêve, qui limite nous éloigne du produit en lui-même. Mais au moins, on s'en souvient parce qu'on dit. Après, je me souvenais que c'était du café. Je me souvenais que c'était Nescafé parce que c'était marqué sur la pochette. Du 45 tours, mais après le truc spécial filtre, j'avoue que là, je me rappelais pas spécialement, quoi. Ouais. Ok. Wiz, tu aimes le café, toi ? J'adore le café. J'avais le 45 tours aussi que j'écoutais aussi en boucle. Hein, copain. Voilà. Après, voilà, c'est quelque chose d'ultra ultra visuel. C'est un petit documentaire de Discovery Channel. L'Amérique du Sud sans le sentier lumineux. Enfin, voilà, c'est magique comme truc. Prenez tous vos billets. Moi, j'aimais beaucoup la pub et j'aimais beaucoup la musique et je l'aime toujours beaucoup. Et j'aime toujours le café. Bah, sachant que oui, on l'a pas précisé pour nous. Mais jusqu'à présent, toutes les marques qu'on a choisies existent toujours. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas pour certaines marques et d'autres pubs qu'on a pu choisir. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là sur le café. Wiz, toi, tu vas nous parler des valeurs refuge, la pierre. Donc avec la pub pour les maisons Bouygues. Alors la maison Bouygues, bah, on va s'écouter cette musique de suite. C'est parti. Créer l'espace. Trouver l'équilibre. Faire entrer la lumière. Donner la vie. Aujourd'hui comme hier, pour bâtir une maison, il faut de grands maçons. Maison Bouygues, la race des grands maçons. 1988, privatisation, Bouygues, tout ça, Wiz, c'est à toi. Marie-Laure Augry, Yves Morosi, à vous les studios. À vous les studios, merci Cognac Gem. Est-il inutile de préciser que là aussi la marque existe encore Deux points qui m'ont, comme d'habitude, comme pour tout le reste, deux points qui m'ont marqué. D'abord la musique, parce qu'à l'époque j'étais déjà assez fan de Kate Bush, mm-hmm. qui est à l'origine de la musique. Alors c'est peut-être une très légère adaptation, c'est difficile de sourcer le truc. C'est pas forcément pile poil l'original, mais c'est tellement proche que c'est comme si ça l'était. L'assimilation. Voilà. Donc ça déjà, rien que pour ça, j'étais content de voir la pub. Et après, il y avait le côté, mais juste XPTDR, quoi. On est un peu sur une phase encore de d'explosion de la maison individuelle, et il faut impérativement qu'on te vende le côté, voilà, tu vas dépenser 50 000 francs, mais tu vas voir Versailles. On avait déjà fait des trucs assez coton pendant toutes les années 80, et moi, je gardais toujours en tête le sketch de Coluche quand il faisait Maison Merlin, Cage à lapin, et Bouygues arrive et en remet encore une couche en disant non, mais là, chez nous, c'est même plus Versailles, quoi, c'est des pyramides. Tu fais ta maison, on va te la faire, c'est génial, et en plus, elle va durer 2000 ans. Alors que pour Coluche, au final, t'avais payé une ruine, quoi. C'est exactement ça, et je pense que c'est pas forcément ultra différent avec les maisons Bouygues, donc ça me faisait beaucoup, beaucoup rire, quoi, le côté... Mais... À la limite, vendre des trucs comme ils font maintenant, quoi, avec les maisons Mikit, ça coûte rien, mais t'en as pour rien, donc c'est parfait, c'est au moins, c'est honnête. On ne te ment pas. À l'époque, on vendait quand même, c'est même plus le rêve américain, quoi, c'est XPTDR, je vois pas autre chose à dire. Bon, après, là, pour le coup, gros budget quand même, on peut dire, parce que là, construction de pyramides et tout, là, c'est parti, quoi. Il y a encore une fois des belles images, hein. C'est assez joli. Bon, oui, moi, il y a la fin qui me gêne quand il parle de race. Ça, c'est toujours quelque chose qui me chagrine beaucoup, la race des maçons, hein, je sais pas quoi. Ah, c'est les maisons de maçons, c'était le truc, parce qu'il y en a qui préfèrent les maisons de pâtissiers. Moi, j'appelle ça une pièce montée. Mais bon, voilà, c'était les maisons de maçons, ça c'était leur truc. Hein. La race des grands maçons, quoi, tu vois. Voilà, oui. Manquerait plus qu'elle tombe par terre, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai que tout à l'heure, j'en parlais en citant privatisation et donc Martin Bouygues. Il y a quand même eu effectivement le rachat de TF1 et du coup, effectivement, on a surtout entendu. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais donc ado, Bouygues pour moi, c'était parce que bon, actuellement, les gens, on parle de Bouygues, c'est téléphone portable. Oui. Mais à l'époque, c'était vraiment TF1 et... Et la construction. Et la construction, clairement. Le bâtiment, oui. Mmh, c'est vrai. Ce qui a complètement évolué, parce qu'aujourd'hui, est-ce que les maisons Bouygues existent toujours? Je ne sais pas, mais la maison Bouygues existe encore. Le gros Bouygues existe encore. Je dirais oui, mais... Il doit y avoir encore des choses dans l'immobilier, ouais, je pense. Enfin, dans l'immobilier, dans la construction, ouais, je pense. Ouais. Je vois pas beaucoup ça, pour le coup. Il y en a encore d'autres. Il y a toujours Maison Merlin, Cage à lapin. Mais eux, effectivement, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc peut-être qu'ils se sont recentrés dans les bâtiments de prestige, comme le bâtiment TF1 à Issy-les-Moulineaux. Je ne sais pas. Oui, ou sinon peut-être des autoroutes, des trucs comme ça, je ne sais pas. Donc, quoique c'est plus Vinci. Enfin bref, on s'égare. Donc, non, mais c'est vrai, par contre, une pub qui vaut le coup, rien que pour la mise en scène et donc effectivement pour cette musique. Okay. Voilà. Alors, plus compliqué pour mon deuxième choix, qui est en fait plus une saga qu'une seule pub. Ah ouais. Donc, j'ai deux pubs principales. Bah, on va attaquer par la première. On va monter en puissance. On va se faire tout d'abord la pub 205. Donc, oui, alors mon choix s'est porté sur la 205. Et bah, la première pub 205 que j'ai choisie, c'est la pub avec une musique de Bronski Beat de 1985. C'est parti. Peugeot 205, quel sacré numéro! Y a Tcha, descendre à table. Donc, alors, je dois confesser que j'aime beaucoup cette musique. Jimmy Somerville, tout ça, j'avoue que j'ai toujours adoré. Moi, j'adore aussi. Ça me fait plaisir. Wiz, tu n'aimes pas ? Je suis très fan. J'ai même acheté... Là. Non, mais c'est drôle, parce que j'ai acheté un Communards dans une brocante de Lyon il n'y a pas plus tard que 3 jours. En buvant un Communard ou pas ? Non. Ah non, mais là, il y a faute, monsieur. Alors, c'était une bouteille d'Evian, désolé. Et voilà. C'est vrai qu'il y a des pubs Evian aussi. Alors, non, mais alors cette publicité, donc, hormis la musique de Bronski Beat qui est, je trouve, entraînante et vraiment sympa, nous permet d'évoquer donc, le côté scénarisé des pubs 205. Parce qu'il faut savoir que dans les années 80 principalement, même s'il y a un retour actuellement de pubs un peu comme ça, mais Peugeot a clairement axé sa com autour de la 205 principalement. Étant la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, accessible, mais en même temps racée et sportive. Donc c'est vrai que c'est cette publicité là où une femme prend le train, et en même temps qu'elle est dans le train, il y a son homme qui est dans sa 205 et qui en gros roule à côté du train. Et ça nous permet d'avoir de superbes plans où la 205 passe dans l'eau alors que le train est sur un pont au-dessus, ou avec des passages à niveau, avec des croisements entre la voiture et le train. Donc c'est vrai que les réalisations de ces publicités 205, au-delà de la musique qui pour le coup reste vraiment en tête, c'était quelque chose qui était vraiment appréciable et qui a permis à Peugeot de vendre un nombre de 205 hallucinant tout au long de sa très très longue carrière, puisque elle s'est arrêtée qu'à la fin des années 90 quand même, la 205, voire le début des années 2000. Donc c'est vrai que c'est un véhicule très accessible, avec la fameuse dernière édition, l'édition 205 sacré numéro, qui était la phrase d'accroche de ce modèle-là. Donc je vous propose, toujours pour rester dans la 205, une deuxième pub qui va également vous permettre de vous régaler d'une musique entraînante. C'est parti. Sacré 205, j'aime ton numéro. Yetcha, j'ai dit descendre la table. Ah oui, mais je suis désolé, donc, là, sur alors TokTok, là, je ne peux là, pas faire autrement. TokTok, donc pub de 1987. Donc, je dois le dire, cette publicité, je l'ai, enfin, pour réviser, là, j'ai dû la voir à peu près 150 fois. C'était une pub à l'époque, donc pour, étant donné qu'on fait quand même un peu de la radio, on va remettre la chose dans son contexte. Donc déjà, la chanson, c'est « Tok Tok, Such a Shame ». Et donc une nouvelle fois, alors là on peut pas vraiment parler de scénario, mais en gros une 205, un homme, une femme en train de se chamailler, madame qui tourne le dos à monsieur qui monte dans un avion, avec un plan que j'adore qui est madame qui tourne la tête, genre oui. le plan sur le visage, genre, bien bref, coordonné, avec, décrire, la musique, bien coordonné avec la musique, ouais. Excellemment coordonné, je dirais même. Ouais. Et ensuite on voit monsieur qui prend le volant de sa 205 et qui commence à faire de la poussière. Du dérapage, de la poussière. Et là, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait. Et là, madame décolle dans son avion privé ou je ne sais quoi, et regarde par le hublot. Et donc, il continue à faire des tours et ainsi de suite. Et on note que, en fait, les dérapages et la poussière n'étaient pas anodins. Il écrivait « Garce » avec un point d'exclamation dans le sable, pour que madame puisse voir ce qu'il pensait de la discussion qu'il venait d'avoir. Et j'ai trouvé ça, à l'époque, j'avais trouvé ça génial. Franchement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais j'avoue que ça... C'est super, enfin, je veux dire, visuellement, c'est vraiment extraordinaire. La musique porte tout. Et puis le petit vieux avec son âne, enfin il y a plein de retrouve, choses. On retrouve aussi c'est des décors grandioses comme dans la précédente dont tu as parlé, avec plus grandiose encore, la musique de Bronski Beat. Voilà, vraiment, il y a un environnement superbe. Ça fait vendre le produit à fond, quoi. Et ce qu'on remarquera, c'est Rétroviseur droit en option, ouais. ainsi que les jantes-talus, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais à l'époque, il n'y avait qu'un rétroviseur côté conducteur. Ouais, le rétroviseur côté passager était en option dans la plupart des cas. Voilà, donc c'était marrant d'avoir 205 Peugeot 205, et en dessous, en option, vous pouvez avoir les jantes-talus et le rétroviseur droit. Donc c'était marrant. Bon, et pour terminer, quand même, petite conclusion sur cette saga 205. Donc, comme je vous le disais, très gros budget sur les publicités 205. Et je suis obligé quand même de parler d'une dernière qui est celle pour la fameuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais s'il y a une voiture qui pouvait nous faire rêver, c'était la 205 GTI. Il y avait la 205 GTI et sa concurrente, la Renault 5 GT Turbo, la Super 5 GT Turbo, qui étaient les deux concurrentes qui faisaient rêver un peu tous les adolescents de l'époque. Et donc cette fameuse 205 GTI, donc, était rouge, avec deux motorisations, bref, je vous passe les détails. Un clip publicitaire avait été fait par notre ami Gérard Pires, qui a notamment réalisé Taxi par la suite. Et donc ce clip présentait donc, tout simplement, ni plus ni moins qu'un pastiche de James Bond, où au début de la pub, donc là il n'y avait pas de musique particulière, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu dans mes choix à diffuser, mais en gros la Peugeot 205 était suspendue à un parachute, et un avion de chasse tirait un missile sur le parachute, la 205 tombait, se retrouvait sur un lac gelé, et ouais, était poursuivi par un avion cargo, cargo qui lâchait des missiles avec des parachutes. Du coup, la 205 évitait les différentes explosions dans la neige. Ensuite, on la voyait arriver, se garer en marche arrière, pour arriver ensuite dans un château où madame, donc une James Bond girl, on va dire, on va l'appeler comme ça, attendait avec sa coupe de champagne en disant à l'assimilé James Bond: ah, mais tu as un ami du temps. Et là, il lui disait: ah, mais tu sais, avec ces routes glissantes, il convient d'être prudent. Tu vois, et c'était. Enfin, ces pubs-là, franchement, celle dont je viens de parler sur la GTI, et il y en a eu également une autre où il y avait carrément la chevauchée des Valkyries. Là, avec saut d'une falaise avec la 205. Enfin, c'est franchement, les budgets des publicités de Peugeot dans les années 80, c'était nos limites. C'était nos limites, mais c'était surtout, c'était surtout que des fois tu gaspilles l'argent, mais là pour le coup, ça donnait des choses qui visuellement étaient vraiment époustouflantes. Oui, dont on se souvient encore. Voilà, donc longtemps après. Surtout qu'on se, enfin, au moins ça a l'avantage de les placer dans des situations qui sont absolument pas crédibles. Et ben voilà. Globalement, c'est ça l'intérêt, plutôt que de faire comme maintenant, de filmer les bagnoles sur les Champs-Élysées, oui, où tout ce que tu te demandes, c'est comment ils ont fait pour vider les Champs-Élysées pour filmer la pub. Là, au moins, c'est bon, quoi. C'est pas crédible et t'en prends plein les yeux. Et point. Après, t'achètes ou t'achètes pas, ça c'est une question de crédit. Mais au moins, voilà, il y a un vrai truc, il y a un vrai visuel sympa qui est fait, et on n'essaie pas juste de te la montrer dans la vraie vie et tout machin, parce que donc. Oui, je pense même qu'on pourrait le proposer pour les clips de sécurité routière. J'ai envie de dire. Je pense que ce serait magique. On va passer sur la deuxième catégorie de pub, à savoir les créations originales. Ah. Donc, ça va être un peu plus marrant. Yetcha, tu nous as choisi Younger et Bresson de 1982. Ouais, Younger et Bresson. Alors, dans cette catégorie-là, en fait, contrairement justement à la précédente, on va pas être trop. Je trouve qu'on va pas être trop, comment dire, perturbé par le titre de la musique, enfin par la chanson. Ça va vraiment apporter quelque chose au produit, et on va vraiment, je trouve, le lier au produit. Il y aura pas cette éclipse qui peut se produire avec une personne connue, une chanson très connue, etc. Moi, je trouve que c'est très très symptomatique de cette catégorie qu'on va aborder. Et donc, moi, j'ai choisi en effet comme première pub, c'est Younger et Bresson, donc de 82. C'est des pubs pour des montres suisses. C'est vraiment. Enfin, je vous laisse écouter ça et puis on en reparle juste après. Allez, c'est parti. Younger et Bresson, Bresson. Younger et Bresson, Bresson. Younger et Bresson. Des montres à la précision suisse. Younger et Bresson, Bresson. Alors, vraiment, moi, cette pub-là, donc 82, j'ai dit, j'avais 7 ans, elle m'a marqué au fer rouge. Je me souviens encore, je me revois à l'époque chanter la chanson à tue-tête en agitant les avant-bras pour faire comme si j'avais une belle montre à agiter là. Enfin, c'est vraiment, j'ai pas grand-chose à dire tellement ça m'a subjugué quoi. Le rythme était vraiment bon dans la chanson. Ces trois personnages avec des voix très différentes qui agitent leur montre là avec un rythme un peu lancinant là. Je sais pas, ça m'a hypnotisé et franchement je suis encore fan et à chaque fois que j'écoute la pub je replonge vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me fait replonger avec grande grande nostalgie dans mon enfance quoi. Vraiment ça, Younger Abrasion pour moi c'est ultime. Je sais pas si vous c'est votre avis mais je crois pas d'ailleurs Citizen pendant ce temps. Ah oui, oui. Enfin bref. C'est vrai aussi. Et oui. Donc, Wiz, alors pas exactement, je l'avais mis de côté, mais pas pour un super méga souvenir très, très nostalgique. Moi, elle m'avait traumatisé. J'ai dit, si c'est ça d'avoir des montres, je crois que je vais plutôt prendre un cadran solaire. Je sais pas, avec la fille, avec son espèce de voix irréelle, là où je sais pas, elle a sniffé un ballon à l'hélium avant. Moi, ça m'avait terrorisé. Alors que peu de temps avant la pub, j'avais qu'une hâte, parce que j'avais pas de montre à l'époque, tu vois. Et à côté de ça, il y avait la fille qui me gardait, qui faisait du babysitting. C'était, paraît-il, la super mode à l'époque. Elle avait une montre à chaque poignet. Ah oui, quand même. Ça, c'était le truc à Paris en 81, 82. Et moi, j'en avais zéro. Et quand j'ai vu la pub Younger et Bresson, c'est, bah, finalement, en fait, non. Je vais prendre un chapeau à la place. Voilà. Bon, donc apparemment, tu viens de casser le mythe de Yetcha. C'est un ressenti personnel. Non, mais moi, c'est un peu pareil. Je t'avoue que effectivement, Younger et Bresson, je me souviens de la chanson effectivement, mais j'avoue que c'est pas pour ça que ça m'avait donné. Alors après, de toute manière, étant donné le prix, très souvent des montres suisses, c'est pas des choses que quand on est adolescent et autres, on va pouvoir se payer. Voilà. Mais après, c'est vrai que la chanson a le mérite de citer le produit. Et du coup, on la garde en mémoire, effectivement. Donc, ah oui, complètement. Ça reste un bon choix. Merci. Eh bien, écoute, Wiz, tu vas nous parler de la RATP, puisque tu m'as l'air d'être un peu le monsieur tout le monde. Donc, tu vois, t'as pas de montre, tu prends les transports en commun. Je prends pas juste les transports en commun, je prends la deuxième voiture. Très exactement. La RATP, donc de 1982, on s'écoute ça et puis on en parle après. C'est parti. Tic-tac-toc, t'as le ticket-clic. T'as le ticket-clac, t'as le ticket-cloc, ticket-ticket-toc. T'as le ticket-chic, t'as le ticket-choc. Ticket-ticket-toc, tic-tac-toc, ticket-ticket-toc. Tic-tac-toc, ticket-ticket-toc. T'as le ticket-clic, ticket-ticket-clic. T'as le ticket-clac, t'as le ticket-cloc, ticket-ticket-toc. Ticket-ticket-toc, t'as le ticket-chic, ticket-ticket-chic. T'as le ticket-choc. Démarquez-vous. Prenez la deuxième voiture. Ah là là. Et oui. Quelle chanson. Ouais, allez, c'est bon parti. Ça quand même. Ouais. C'est un ultime cette pub. Et c'est pas juste un clin d'œil pour Monsieur Mikado Twix, qui en a déjà parlé à plusieurs reprises du fameux 45 tours qui traîne quelque part dans un fond de caisse. C'est vraiment ultime. Ils ont à ce moment-là réussi à mettre en image et en image qui bouge et en musique donc le fameux slogan la deuxième voiture qui avait été créée quelques années auparavant 78 si j'ai bonne mémoire. Alors qu'est-ce que c'est que cette deuxième voiture? C'est les transports parisiens, donc c'est le métro, le RER globalement pour faire simple. J'étais déjà à l'époque complètement halluciné qu'on passe sur TF1, Antenne 2 et compagnie une pub qui ne concernait que les Parigo. Oui, oui. Je suis d'accord. Moi, j'ai jamais vu sur Antenne 2 une publicité pour la régie des transports lyonnais, quoi. Enfin, bon. Donc, j'étais vachement étonné pour ça. En dehors de ça, ils ont réussi à apporter une musique qui était insupportable sur 2 minutes 30, mais juste sur la durée du jingle, était assez, assez efficace. Le slogan reste. Et ils ont, avec cette pub, réussi à transformer le ticket de métro en... en icône d'une certaine manière, parce que après on était, enfin on avait un vrai attachement à notre ticket de métro. Et je me souviens que quand il a changé de couleur après 89, ben on faisait tous la gueule, on dit, mais il est passé où le ticket? Enfin voilà, il y avait une appropriation de l'objet qui n'avait absolument, ça vaut rien, c'est le truc le plus banal qui soit, et ils ont réussi à transformer le ticket de métro en quelque chose de très très iconique. Et pour ça, la pub qui est réussie, je sais pas s'ils ont attiré plus de monde dans le métro, ça j'en sais rien. Je pense que ça suivait toutes les campagnes sur les économies d'énergie post deuxième choc pétrolier. Je sais pas si ça a marché, mais en tout cas la musique reste, le 45 tours reste chez moi en tout cas, et c'est ultra efficace. Petite anecdote, la musique ça fait lien avec une autre émission. La musique est de Germinal Tenace, qui a fait le générique de Palace. D'accord. Et, attention, c'est pareil, c'est un truc que j'ai découvert récemment et j'étais assez halluciné, quoi. Par ailleurs, c'était le début d'une série où il y a eu beaucoup de campagnes d'affichage un petit peu partout, surtout dans le métro, et il y a eu encore quelques spots publicitaires qui ont été diffusés, dont un réalisé par Chatiliez en 83 et un absolument topissime en 85 avec Gainsbourg qui vient faire un clin d'œil mais topissime dessus. Il s'auto-parodie après le fameux épisode du billet de 500 il fait un brûler un ticket de métro et il sort, t'as le ticket chic, moi j'ai le briquet choc, et là c'est ultime. Pas mal, j'avoue, c'est bien. Ultime. Donc voilà, je suis fan absolu et je prends toujours le métro. Mais c'est vrai que cette pub, moi je trouve qu'elle est au-delà de la musique qui se retient vraiment bien. Moi j'étais pas parisien non plus à cette époque-là, je connaissais pas trop. Et je trouvais qu'elle était, et encore maintenant quand je la vois, elle est vraiment très graphique. Je trouve qu'elle fait un peu un mélange entre Découflé ou Jean-Paul Gaultier. Enfin, on sent un petit peu cette mouvance là des années 80, un petit peu moderne, on va dire. Dans la mode, les choses comme ça. Et puis en plus, je suis d'accord avec toi, Wiz, par rapport à la couleur du ticket. Par contre, j'ai vécu à Paris un petit peu après. Je comprends pas finalement pourquoi la RATP a décidé de changer de couleur, parce que après les couleurs qu'on a eues, le violet, le bleu, le vert, le blanc, enfin c'est quand même des couleurs assez moches, plutôt pastel là. Alors que ce jaune avec cette bande marron, il était quand même emblématique, et il pouvait aussi il devait l'être à l'époque, mais il pouvait aussi même devenir un symbole pour les touristes, tu vois, un symbole de Paris, quoi. C'était très très très marqué, quoi. Alors je sais pourquoi ils ont abandonné cette couleur, pourquoi ils y reviennent pas. Je sais pas non plus. En plus ils pouvaient le faire vivre avec des événements un petit peu particuliers. Je sais pas si c'était qui était éventuellement sur Paris en 89, mais pour les célébrations du bicentenaire, oui. il y avait un petit oiseau qui était l'emblème de, je sais pas si c'était pour les célébrations ou juste un emblème qui avait été choisi à l'époque par la RATP, mais il y avait ce petit ce ticket qui avait été personnalisé pour le bicentenaire, et il était resté jaune et tout machin. C'est immédiatement après que ça a changé de couleur, et on faisait tous la tronche, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ok, bon bah on va refermer cette parenthèse révolutionnaire. On va changer de lieu, puisque après la ville on va passer sur la campagne. Ah. Donc je vais vous parler de l'Épidore. Alors Épidore, publicité 1984 qu'on va s'écouter tout de suite. Bonne comme la campagne, Épidore, c'est la bonne huile de maïs, Épidore. Elle aime frire et dorer, et puis elle aime mon corps, rôtir, cuire, rissoler, Épidore. Les frites sont belles à croquer, Épidore. Et puis vous vivez bien, Épidore. Épidore maïs, c'est bon comme la campagne. Bonne comme la campagne, Épidore. Galatélévision, Épidore. Épidore, donc, qu'est-ce que c'est Épidore? Il s'agit ni plus ni moins que d'une huile. Non, c'est la bonne huile de maïs. C'est comme ça, on peut piffer sans problème. C'est la bonne huile de maïs, effectivement, comme on le dit. Alors, il faut savoir que l'huile de maïs est une huile végétale extraite du grain de maïs qui contient 3,5 à 5% de lipides. 80% se trouve dans le germe. Tu m'as cherché, oui, si tu vas me trouver. C'est une huile alimentaire qui peut être utilisée directement en cuisine ou entrée dans la composition de margarine. Donc, bref, arrêtons les bêtises. Épidore, pourquoi Épidore? Donc, j'ai choisi cette publicité parce que, déjà, je trouve qu'une nouvelle fois, la mise en situation de cette pub, à savoir ni plus ni moins que la récolte et les moissons, enfin la récolte du maïs, quoi. À l'époque, pouvait être crédible. Maintenant, je me suis rendu compte que c'était ridicule, mais parce que voilà. Mais en gros, cette publicité donnait envie de manger des pommes de terre sautées. Enfin, je sais pas moi, ça m'a. Chaque fois que j'ai vu, on voyait des grandes tablées. Alors cette personne qui découpait ses pommes de terre. Donc j'imagine une femme, puisque on est quand même dans une période où c'était quand même les femmes qui faisaient 95% du temps à manger, qui donc coupait ses frites, qui les faisait frire et tout. Et donc cette fameuse chanson, Bonne comme la campagne, Épidore, la bonne huile de maïs, voilà. Elle aime cuire et dorer, et puis elle aime mon corps et tout. Enfin bon, on parle toujours de l'huile là. Et c'est vrai que, enfin moi je trouvais ça convivial. Enfin la pub était très très réussie. Je trouvais que la chanson restait en tête. Franchement, on n'oublie pas une fois qu'on l'a entendue. Et oui, donc moi je trouvais qu'elle remplissait son office et qu'elle était vraiment sympa, quoi. Qu'elle donnait limite envie d'aller récolter le maïs ou de faire les moissons, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais alors. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai ça. La marque n'existe plus, mais Épidore, pendant très longtemps, a. Il n'y a pas que la marque qui n'existe plus. Pour ceux qui font les courses de temps en temps, vous remarquerez que l'huile de maïs, oui, ça devient compliqué. Moi, je suis désespéré parce que j'aime beaucoup l'huile de maïs. Et j'ai pas attendu Épidore, mais ouais. Justement, les fameuses patates sautées à l'huile de maïs, moi, je kiffe. Donc, il n'y a quasiment plus. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Il y a deux trucs qu'on trouve de plus en plus difficilement et qui étaient la base alimentaire dans les années 80, c'est l'huile de maïs et l'huile d'arachide. Pourquoi diable ces deux-là, on les trouve quasiment plus nulle part. Je lance le débat. Moi, j'achète de l'huile d'olive, alors je peux pas te dire. Non, mais je prends l'huile d'olive aussi. J'avais même pas remarqué, mais qu'est-ce qu'on trouve alors comme huile ? Il y a de l'huile de. Il y a tournesol. Ah oui, tournesol, ouais. Il y a le traditionnel fruit d'or avec trifon tournesol. Enfin bon, ouais. Souvenez-vous. Colza. Voilà, colza. Des mélanges plus ou moins l'huile de pépins de raisin. Enfin, ouais, après, il y a des huiles un peu de. Ouais, là, il y a de l'huile un peu spécialisée, mais que tu trouves pas en grande quantité, quoi. Mais de la basique, et ben c'est compliqué. Alors que typiquement, la meilleure mayonnaise que tu pourras faire, c'est avec de l'huile d'arachide. Fais le test. D'accord. C'était la rubrique cuisine. Mais oui, Maïté. En tout cas, ce qui a disparu aussi, c'est le verbe piffer, non ? Je sais pas, moi, c'est dans la pub là, à la fin, quand on peut piffer, ça me fait marrer. Hein. Ah ben, non, c'est comme c'est énorme. Mon autre choix de pub, j'aurais l'occasion qui invente des verbes et tout, non ? C'est Épidore. Alors, est-ce que vous avez testé le produit à l'époque ? Oui. Ah oh, bah oui, moi j'en ai vu, oui, j'en ai mangé. De l'Épidore. Ma mère n'a jamais voulu en acheter. Ah bon ? Elle était de l'école Fruit d'Or. Ah. Elle a jamais dérogé de son fruit d'or. Voilà, donc j'ai jamais pu goûter Épidore. Je me rassurais avec la pub. Bref, tout ça pour dire que la chanson était très bien et qu'elle restait en tête et que ça donnait envie d'aller s'installer à la campagne et de faire cuire ses frites avec de l'Épidore. Et puis c'est tout, voilà. Pour se faire construire une maison Bouygues. Oh là là, tu caches le truc, là. J'imagine la maison Bouygues au milieu du champ de maïs. Arrête, Wiz, tout de suite. Bon, écoute, Yetcha, tu vas nous parler des rames, tiens, puisqu'il faut des chaussures pour aller ramasser le maïs. Donc, est-ce que Eram nous proposait des chaussures un peu de ce type ? Donc, publicité Eram de 1985, on s'écoute ça, c'est parti. C'est une fille ou un garçon cheveux longs, ou une fille en pantalon, c'est là la question, c'est là la question, c'est là la question. Eram 199 francs, et nous 200 francs, prix maximum. Il faudrait être folle, il faudrait être fou, pour dépenser plus. Alors, Eram, ah, ouais. Déjà la marque existe encore. Ouais, et ben cette pub là, moi, elle m'a bien plu parce qu'en fait, on y voit Marc Lavoine au début, au tout début. Aucun lien avec la pub d'avant. Huile de maïs, Marc Lavoine, ok, je sors. Ok, bon, ok. D'accord, attends, je viens de comprendre, mais... oui, d'accord. Avoine, maïs, ok. Excusez-moi, il faudra me donner du blé la prochaine fois parce que sinon je ne pourrais pas répondre. En plus, tu veux être payé, bravo. Il disait bien aussi. Hein. Enfin, allez. Et donc, on voit Marc Lavoine, mais juste au début, c'est lui qui chantonne un petit peu, une fille, un garçon, etc. Après, c'est plus lui. C'est vraiment, on voit au tout début le profil. Là. Et en fait, cette pub, c'est à noter, elle a été réalisée par Étienne Châtelier, donc en 85. Et alors, Moi, je trouve toujours cette chanson assez entraînante. C'est pour ça qu'on est dans ce thème-là. Hein. C'est vrai que les chansons portent le produit. Et je trouve que sur une chanson qui est une création originale, qui aurait pu être une vraie chanson, d'ailleurs, avec une fille et un garçon, etc., là, ça sonne bien. On a envie que ça continue. Puis après, bon, ils partent un peu plus dans le slogan. Avec les prix, etc. Tout ça, faudrait être fou, faudrait être folle. Ça, c'est des choses qui ont été reprises plus tard. Pour dépenser plus, voilà, 199 francs, 200 francs. Enfin. Eh oui, Marie, 199 francs. Ah non, c'est pas le même, excusez-moi. Des prix qui font presque rêver aujourd'hui, hein, parce que bon, 200 francs, c'est à peu près. Moi, j'ai jamais converti, alors je sais pas trop, c'est à peu près 30 euros, voilà ça. 30 euros, mon monsieur. Je voulais pas être comme les vieux, moi. Le jour de l'euro, je suis passé à l'euro, c'est tout. Donc, je sais pas trop convertir. Bref. 20 000 anciens francs. Et bref, en tout cas, j'ai toujours cru, un peu comme on en a déjà parlé un petit peu avec Sirf, j'ai toujours cru que seuls les hommes étaient déguisés, en fait. Parce que pour moi, de voir des femmes habillées en garçon, finalement, enfin en costume, quoi, c'est pas... Ça se voit en fait dans la rue, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant. Alors qu'un garçon habillé avec une robe ou une jupe, bon, bah, ça se remarque forcément un peu plus, quoi. En plus, avec un petit foulard autour du cou, enfin voilà, là, ça fait vraiment. Ils sont grimés, quoi. C'est Boy George, quoi. Et c'est, ouais, bah, un petit peu, oui. Mais voilà, c'est ça qui m'a marqué aussi dans cette pub-là, c'est ce côté une fille et un garçon, bah, bien sûr, ils ont échangé leurs vêtements. Mais bon, après, j'avais jamais vraiment trop compris, en fait, l'histoire de ça, quoi. Et puis, il y avait un franc de décalage entre les chaussures, c'est pareil, je comprenais pas trop pourquoi ils donnaient deux prix différents alors qu'il n'y avait qu'un franc d'écart, 200 francs, 199. Bon, voilà, c'est une pub qui m'a un peu laissé quoi. Celle-là, je ne sais pas si c'est plus ou moins que les autres. Toutes les séries RAM, me faisaient beaucoup rire parce qu'elles étaient toujours très, très pensées, très chorégraphiées, avec des costumes improbables. Ce fait que moi, celle-là m'a pas plus choqué que les autres ou moins ou machin parce que c'était déjà tellement bigarré, tellement chamarré dans le concept que, allez, on y va un peu plus. Et puis effectivement, en 85, on avait déjà vu passer Boy George. Donc bon, une fois que c'est composté, quoi, voilà. En tout cas, à Paris, c'était composté, donc voilà, moi, je trouve ultra ultra efficace. Puis il y avait pas beaucoup, me semble-t-il, pas beaucoup de pubs qui prenaient le temps d'afficher carrément les prix, quoi. C'est voilà, chez nous ça coûte 199 francs et nous 200 francs. Le côté prix maximum me faisait toujours rire parce que, mais si tu veux faire moins, vas-y, mais à mon avis, bon, le prix minimum, je l'ai jamais vu nulle part, hein, mais voilà. Donc non, moi je suis très très très très très fan du visuel et ils en ont fait des caisses et des caisses. Il y en a eu quand même plein pendant toutes les années 80. Et même 90, oui, d'ailleurs. Ouais, j'imagine. Ouais, toujours un peu sur la même façon, enfin la même idée. Ils gardaient les chorégraphies, les costumes. Ça faisait partie des pubs que j'attendais, quoi. Voilà, quelle va être la prochaine, celle-là, je guettais avec impatience. C'est une saga, quoi. Yes. Mm-hmm. Donc, Wiz, chaussée de ses Eram. Chaussée, et au moins. Nous emmène désormais manger un burger. Yo. Alors, manger un burger chez Whataburger. Et écoutons-nous cette publicité magnifique. Cette fille est super, elle a tout compris. Quand elle voit que j'ai faim, elle m'amène ici. De 11h du matin et bien d'après minuit. Je commande un burger, mais je suis aussi au service. Whataburger. T'as l'air de t'éclater. On a tout mangé et on ne s'est pas ruiné. C'est inutile d'aller voler ailleurs. Personne ne fait ça comme Whataburger. Whataburger. Whataburger. Whataburger. Personne ne fait ça comme Whataburger. Whataburger de 1984. Alors ça, j'ai jamais vu. Wiz, tu es seul. Connais tel pas. Le général de Gaulle, je te cède l'antenne. C'est ça, traversée du Zerg. C'est quand même, j'abuse un tout petit peu parce que la pub, je l'ai découverte. Je l'ai pas découverte là, mais je ne l'ai pas connue à l'époque. Pas plus que trois fois hélas, j'ai connu les restaurants d'époque. Alors, qu'est-ce donc? Bah, en fait, c'est une chaîne de restaurants d'hamburgers qui a été créée par Jacques Borel en 1980. Pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne connaissent pas, Jacques Borel, c'est l'inventeur des restoroutes en 68 et des premiers fast-food français, les Wimpy Burgers, en 61. C'est aussi l'industriel qui a servi de modèle pour le monsieur Tricatel de l'aile ou la cuisse. Ah, Julien Guillaumard. Bien. Le symbole absolu de la malbouffe. Il a peut-être essayé de se racheter en 80 en lançant sa chaîne. Et voilà, il y a excessivement peu d'informations dessus. C'est vraiment la croix et la bannière. La croix et la burger. Quasiment tout ce que j'ai trouvé, c'est sur le site myburger.fr, que je remercie chaudement. Et en fait, bon, voilà, on sait à quelle date ça a été créé. Globalement, j'ai trouvé à quelle date ça avait fermé, vu que j'ai trouvé dans un petit article que la majorité des restos avaient été rachetés par Quick Burger en 1986. Donc vraiment, ça n'a pas fait... ça n'a pas fait long feu, quoi. Ça n'a vraiment pas fait long feu. Ça existe à Paris, vu que le restaurant qu'on voit dans la pub est donc Boulevard des Italiens à Paris, à côté de l'Opéra. Il y a en parallèle, je pense qu'on pourra mettre le lien sur le site, il y a un petit reportage sur l'INA, sur la folie des hamburgers, qui doit dater de 80 ou 81, qui se passe en grande partie chez Whataburger, mais c'est un Whataburger lillois. Donc, c'est pas juste un phénomène parisien, de toute évidence. Et le reportage est vachement intéressant. Pour le reste, quand on voit la tronche du sandwich, il s'apparente un petit peu au Big Mac pour la composition et un petit peu au Whopper pour le diamètre. Pour le reste, je sais pas trop, si ce n'est que aller dans un restaurant où le sundae, tu te le prends dans la tronche, ça fait moyennement envie. Eddie Mitchell, quoi. Mais pourtant, il y a des gens un petit peu guindés qui vont aussi à un moment. C'était un restaurant qui a de la classe aussi. Et effectivement, on mobilise Eddie Mitchell, genre The Eddie Mitchell. À l'époque, il devait déjà avoir commencé plus ou moins la dernière séance, me semble-t-il. J'ai pas revérifié les dates, mais je pense que c'était déjà en activité. Oh, en 84, oui. 84, oui, ça doit être bon, ouais. Donc, pour ce qui est rêve américain, c'est le modèle insurpassable. Même Johnny peut aller enfiler un slip. Donc, Eddie Rivers, pareil. Eddie Rivers, c'est pas mieux. Donc voilà, on était au top. Et je pense pas qu'il y ait d'autres chaînes de fast-food qui aient misé véritablement sur un personnage. Parce que je me souviens de la pub pour McDo, où globalement, ce qu'on filmait, c'était un McDo, quoi. Vous allez avoir un pain pourri, un espèce de simili steak et une tranche de tomate moisie, et ça vous fait un Big Mac. là, au moins, ça donnait envie d'y aller, malgré le côté futuriste des années 70. Même en 2070, on continuera à utiliser des sièges en sky orange. voilà, je trouve ça ultra fun, et je suis désespéré de ne pas avoir eu l'occasion d'y aller. Parce que voilà, à l'époque, en tout cas, c'était. J'aime bien l'époque parce que c'était presque exotique d'aller manger un hamburger. Il n'y en avait pas tant que ça. Et moi, c'était une fête même si c'était pas bon, c'était une fête quand même. Donc celui-là, je l'ai loupé et je regrette. Voilà. Ok. Moi, je vais vous ramener à la campagne puisque ma thématique, c'est quand même globalement la campagne. Et les voitures. Et je vais vous emmener baguenauder dans les pâturages. Ah. Écoutons la fabuleuse chanson de la publicité Belle des Champs de 1981. C'est parti. Tu baguenaudes dans les pâturages, tu t'en vas te promener, Belle des Champs, qu'il est blanc, qu'il est crème ton fromage. Dis, donne-nous-en un peu, Belle des Champs, dis-tu nous en donnes-dis, oh oui, donne-nous-en, donne, donne-dis, Belle, Belle des Champs. Tout le monde t'aime tant, Belle des Champs. Donc cette publicité, je l'avais déjà un peu mentionné dans le numéro 1, mais pas assez à mon goût. Et c'est tout simplement Monsieur Gottener, je veux dire. Et là, grand monsieur. Le verbe baguenauder dans les pâturages. Enfin bon, c'est une publicité, donc Belle des Champs, donc jeune damoiselle avec chemise à carreaux, donc blonde, une coiffure reconnaissable entre mille, un panier à la main, et à qui on demande de nous donner un peu de son crémeux fromage. Alors il y a eu plusieurs, évidemment, avec le temps, il y a eu plusieurs versions de cette publicité. La première était crayonnée avec une succession de dessins. Et ensuite, c'est devenu, il y a une version film, et on a eu également la version dessin animé de Belle des Champs. Et gros avantage de ces chansons-là, c'est que c'est ni avant tout, donc on parle du produit, donc Belle des Champs, mais ça n'est pas du tout à classer dans une chanson qu'on va écouter que dans un contexte de publicité, puisque j'en veux pour preuve que Gotenner, dans plusieurs albums, notamment en 2008, a inclus la chanson Belle des Champs dans son album Espèce de Bonobo, qui est sorti en 2008. Donc c'est vrai que Gotenner a fait énormément de musique de publicité, mais moi j'ai choisi Belle des Champs parce que j'aimais beaucoup la fille qui faisait Belle des Champs, parce que le fromage Belle des Champs, du coup on avait envie de le goûter. Très honnêtement, c'est pas terrible, je dois le dire, le produit en lui-même, c'est pas le meilleur fromage que j'ai mangé, mais... Ouais, mais quand t'es gamin, t'aimes bien, moi j'ai bien aimé, moi. Je me rappelle oui, bien, voilà, parce que je trouve qu'elle touchait beaucoup quand on était enfant, justement du fait de se crayonner, parce que ça faisait un peu dessin animé. Et moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'étais super accroché. Pour moi, c'était un mini dessin animé qui passait pendant les pubs. Oh, super. Et puis alors, par contre, je pense que, alors je me rappelle pas ce que je chantais, parce que c'est pareil, moi j'aime bien chanter, hein. Donc ce que je chantonnais quand je chantonnais la fameuse chanson, je ne sais pas quel verbe j'utilisais. Honnêtement, le baguenaud, c'était sûrement pas baguenaudé. Pareil. Ça c'est sûr, je ne sais pas ce que je disais, mais c'est vrai que je trouve que Gotenner, pour ça, il est fort, parce qu'il arrive dans pas mal de ses chansons à placer des mots ou des verbes qui sont improbables, quoi. Baguenaudé, moi je connaissais pas du tout. J'ai regardé d'ailleurs il y a pas longtemps ce que c'était. C'est flâner, marcher sans but. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est flâner, quoi. Oui. Ouais, c'est, voilà. Mais c'est super de placer Bach. Mais non, mais même, déjà, la voix de Gotenner. Ah, bah oui, non, mais c'est un timbre. Je veux dire, infinitif, excuse-moi, quoi. Non, ouais, c'est extraordinaire. Il est génial. Et puis, à jamais le Yuki, quoi, je veux dire. Enfin, bref. Et sachant que, en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur une vidéo enregistrée en 2010 au Leclerc du Mans, dans la Sarthe. Même pas Mammouth. Avec Gotenner qui chante avec deux choristes entre le rayon légumes et l'agence de voyage, justement quelques chansons de publicité bien connues de son répertoire. Donc ça m'a bien fait marrer. Donc effectivement, il tourne encore, comme je vous disais, avec ces chansons-là, entre autres. Voilà, bon, messieurs, deuxième catégorie terminée, on va finir avec le pire pour vos oreilles, à savoir les adaptations. Réinterprétation, on va voir de quoi il s'agit. Donc, on va rester dans le fromage. Ouais. Et puis, on va se faire un petit Babybel, Yetcha. Qu'est-ce que t'en penses manger, de 1983 ouais. Donc, allez, on s'écoute ça. C'est parti. Les moments décontractés au Babybel, puis rigolo, on t'adore en solo, on pense toujours à toi pour tous les moments sympas au Babybel. Babybel, le bon petit fromage qui se sent bien partout. Ah, le Babybel. Ça, c'est trop bon. Enfin, le Babybel, c'est bon. Mais bon. Alors, attention. Alors là, on va en discuter. Alors, le Babybel n'est pas très, très bon. Hein. On est d'accord. Mais bon, les enfants l'aiment tellement avec ce petit plastique avec lequel on peut jouer, finalement. Et en mettre partout par terre. Donc, question Yetcha. Alors, avant de savoir pourquoi cette pub, cette musique, ce que j'aimerais savoir, c'est effectivement, je me suis toujours demandé en quoi était fait l'enveloppe rouge du Babybel. Est-ce que vous avez déjà essayé d'en manger? Tu ne veux pas savoir? Non, je sais pas. Moi, j'ai essayé d'en manger. Je crois pas, non. Quand j'étais petit. Ah bon? C'est dégoûtant. Et tu es mort, donc. Parce que. Oui, c'est un mélange de cire, de paraffine ou des trucs comme ça. Voilà, en fait, c'est ça. T'as l'impression de manger de la bougie. Ouais, voilà, bah oui, c'est oui. ça. Mais en fait, le truc, c'est que qui n'a pas joué à faire un nez de clown avec? Ah bah, qui bien n'a sûr. Pas joué à faire une boulette, à faire n'importe quoi. Voilà. Mais mes enfants aujourd'hui le font encore. Ils veulent des Babybel, c'est juste pour jouer essentiellement limite, pour jouer avec le truc, quoi. Bah oui, à la limite, c'est ça qui est fort en fait dans ce produit aussi, c'est que au-delà de cette musique qui est quand même, on va quand même resituer un peu le truc. Donc cette pub de 83 qui a duré assez longtemps, hein, ils ont réutilisé pendant longtemps cette chanson. C'est une reprise de Barbara Ann qui était chantée par les Beach Boys, c'est ça. Et il y a Martin Circus qui a aussi fait une reprise donc de cette chanson et qui était au top des ventes en août 75. Très grande année pour nous trois. Certes, bien compris. Et donc qui se nomme Marilyn, justement, c'est Marilyn. Voilà. Et pour l'anecdote, justement, puisque on est en 75, moi je suis fin 75, donc Martin Circus au top en août 75. Si j'avais été une fille, je me serais appelée Marilyn à cause de, enfin, ou grâce, je ne sais pas, à cette chanson. Donc voilà, moi ça me, à chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à ça, le fait que j'ai, si j'avais était une fille, je me serais appelée Marilyn. bon, c'est voilà, c'est pas forcément un très bon choix, mais bon après on choisit pas. Mais sinon, bah c'est vrai que tout le monde connaît cette chanson. On va dire Babybel, c'est quand on dit pub Babybel, tous les gens c'est immédiatement ça qui sort. Hein, le Babybel, c'est obligatoire, c'est automatique, c'est voilà, c'est Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Hein. C'est très, très fort comme chanson. C'est ça. Petit pique-nique dimanche dernier, il y avait du Babybel. Et je me suis fait un nez rouge. donc voilà, pour le coup. Mais c'est génial parce que c'est le seul produit qu'on... Enfin, c'est un des rares produits qu'on achète plus pour l'emballage que pour le contenu. Oui, oui. Donc, parce qu'avec la Belle des Champs, on ne peut pas faire de nez rouge, ni même de nez blanc. Non, c'est mais ça, Belle des Champs, tu le laisses 3-4 semaines au frigo et ça devient nettement plus consommable. que le Babybel, non. C'est un putrécible. C'est comme le McDo, quoi. Cela dit, il y a un resto que je ne nommerai pas, mais qui fait de délicieuses croquettes panées au Babybel. Et honnêtement, sous cette forme-là, ça se défend. D'accord, j'ai jamais goûté. Ah non, mais je conseille, c'est très bon. D'accord. Okay, bon. Merci du tuyau. Merci Yetchat, ce Babybel. Wiz, pour aller avec son petit Babybel, il va nous parler de l'Oasis. Ah oui. Voilà, donc début en 1978 et sur toute la décennie 80s. Écoutons-nous cette fabuleuse chanson. C'est parti. Oasis. Qu'est-ce que tu bois, doudou, du don? Oasis. C'est bon. C'est des fruits, c'est du sucre, c'est de l'eau. Oasis, tout le monde aime ça. Rosalie. Et oui. Donc, bah oui, évidemment. Et oui, ça fait partie des vrais, enfin pour moi, des gros incontournables. Déjà parce que la pub en soi, elle est, enfin les pubs, la saga est top. Oui. Et vraiment, on a grandi avec pendant au moins 10 ans. J'ai arrêté de chercher au-delà de 89, mais jusqu'à 89, on continue à avoir régulièrement des pubs. Toujours avec Carlos et toujours avec la même musique. Ouais. C'est vraiment, il y a peu, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemples de pubs qui gardent aussi longtemps le même jingle et la même tête de gondole, quoi. Voilà, c'est toujours Carlos qui revient et voilà, Carlos, c'est la jeunesse de tout le monde, quoi. À partir du moment où il est né, globalement, circa 75, on a tous un peu quelque chose de Carlos en nous. Donc, moi, je l'ai vu en concert et j'ai même une carte dédicacée de lui avec une photo. Il a une belle chemise hawaïenne avec un perroquet sur l'épaule et c'est signé. Oh là. Carlos. C'est signé la compagnie créole. Non, mais alors, il est vrai qu'au début, les bouteilles étaient en verre. Ensuite, on est passé aux bouteilles plastiques dans les années 80. Enfin, bon, ouais, non, mais... Et puis, au bout d'un moment, on mettait en gros que c'était un produit de chez Volvic. Et j'ai vu certaines pubs où il était précisé en tout petit en bas de l'écran qu'il y avait entre 12 et 25% de fruits. Donc pour voilà, du sucre ça fait... aromatisé, c'est pas mal. Non, mais c'est principalement voilà. De l'eau. Non, mais c'est principalement de l'eau, de toute manière. De l'eau et du sucre. De l'eau et du sucre. Voilà. Moi, j'ai jamais été ultra, ultra fan de ces boissons trop sucrées et trop peu fruitées. Mais bon, elles se valaient. Hein. Genre, c'était pas différent de ce qu'on pouvait boire chez Banga ou chez Fruité, justement, à une époque. Mais, c'est plus musclé, par contre. Oui. Fruité, c'est plus musclé. Ouais. Et puis la platinée. Hein. Voilà, exactement. Ça, je suis d'accord. Et la différence, de toute façon, entre l'Oasis et le Banga, c'est que tu feras pas faire le grand écart pour éviter les crocodiles à Carlos. Ah bah disons que ça peut être rigolo. Lui, il chevauche le crocodile. Attention. Il lui marche dessus, il a peur, quoi, le crocodile s'en va. D'ailleurs, ces pubs là, avec Carlos, je trouve que, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous connaissez le film Salut l'ami, adieu le trésor. Bien sûr. Avec Bud Spencer, Terence Hill. Et je trouve que, pas trop dans la première pub d'Oasis, mais dans les suivantes, il se bat contre des pirates sur l'île. Enfin, ça fait vraiment, vraiment penser à ce film-là. Hein. J'ai vérifié la date là, et le film est de 81, je crois, donc ça correspond, c'est postérieur aux premières pubs, mais après, en effet, en 83-84, on commence à avoir des batailles et des sortes de pirates sur une île. Là, et, film très et souvent là, rediffusé sur la TNT et qui fait partie de nos télé-hitties. Ah bah oui, oui. Ah bah, oui. C'est sûr, les deux super un classique. Enfin bon, bref, voilà. Oui, non, mais enfin bon, bref, tout ça pour dire que Oasis, ben, ça existe encore. Oui. Donc le fabuleux Oasis Tropical, qui était un peu le goût qui avait été introduit, pas dans les derniers, mais parce qu'après ils se sont mis à faire des trucs violets au raisin ou je ne sais quoi. Enfin bref, mais la base, l'Oasis, c'était quand même orange, quoi. Enfin, juste de l'orange, quoi. Juste de l'orange. Oui. Enfin, le parfum. Exagéré. L'arôme. Enfin voilà. Le E sans, je sais pas quoi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Les conservateurs, oui, c'est sûr que ça doit pas en manquer, effectivement. Bon, et ben, une fois qu'on a bu son petit oasis et mangé son Babybel, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher. On a soif en plus tard, encore. Non, mais on va se coucher. Et on se couche où? Dans un matelas Mérinos. Ah, bien. Donc, je vous propose le Mérinos pour suivre. C'est parti. Chérie. Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Je ne peux plus me passer de sa suspension carénée. Mon sommeil, c'est sacré. Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Tu dors mieux chaque nuit, les matins blâmes, c'est fini. Tu te réveilles fringante, un moral épatant. Tu démarres du bon pied pour une bonne journée. Mérinos. Bon, bah, ce soir. Et là, on n'a pas envie d'aller au boulot, honnêtement. Non. Après avoir défoncé le mur. Hein, non mais attendez, Mérinos. Je me lève du bon pied pour une bonne journée, Mérinos. Est-ce que vous avez déjà essayé de tourner comme ça dans votre lit, sur le côté, comme ça, genre en mode. Non mais pas dans mon lit, mais j'ai déjà essayé. Sur un clip ACDC là. Ouais. Mon matelas n'est pas assez grand. C'est pas facile à faire. C'est ça, je ferai 1m20 à la limite. Passepartout peut le faire, mais moi non. Hein, donc voilà. Passepartout, le petit Fort Boyau. Il faut que ça glisse pas mal quand même par terre. Hein. C'est ça. Sur la moquette, c'est dur. Hein. Donc, Mérinos. Comme son nom l'indique, est espagnol. Donc, une marque de matelas. Alors, les pubs, c'est pareil. Hein, y a eu plusieurs dates selon les sources, mais leur premier film publicitaire date de 1982. Et à chaque fois, donc la chanson employée est la fameuse Mérinos, qui est en fait une adaptation du Make Them Love de la comédie musicale Singing in the Rain. Très honnêtement, on se souvient plus de Mérinos que de l'original, je pense, quand on a grandi dans les années 80. Je m'en souviens même surtout quand on est enfant. Oui, surtout que Chantons sous la pluie, c'est quand même plus ancien. Voilà. Donc, voilà. Oui, mais ça, passait tous les décembres sur Home, Noël, sur Feu Retroit, pour dire voilà, joyeux Noël, regardez Sidney. Ouais, mais bon, moi, on regardait plutôt Astérix et puis. Ah oui, bah, évidemment, voilà, les 12 travaux, Cléopâtre, tout ça. Par exemple. Voilà. Mais alors, donc, mais la marque Mérinos existe encore, il faut le savoir. Bon, c'est pas les plus connus du matelas, mais cette pub, c'est quand même un concentré d'énergie, c'est quand même énorme. La pub qui commence par chérie, genre réveille-toi, et lui il fait Mérinos. Déjà, on sent que oulala. Et le spécial, c'est quand même, il marche sur le mur, il fait le tour par le plafond, et hop! Il se retrouve dans le bon sens et il finit par casser le mur pour aller au travail. Et elle lui dit « Bonne journée, à ce soir !» Enfin, cette pub, je la trouve absolument géniale. Mais en regardant justement la pub, là, et puis j'ai regardé également la source donc de Make Them Love, l'extrait de Chantons sur la pluie, ils ont vraiment, dans la pub, assez bien repris la chorégraphie originale. Mais vraiment, quasiment plan par plan et geste par geste, on va dire, hein, avec le mec qui tourne par terre, avec les sauts périlleux arrière sur le mur, et puis ensuite, la traversée de la cloison, c'est vraiment repris quasiment plan par plan. C'est quand même bien fait pour ce truc-là, quoi, cet aspect-là. Complètement d'accord. Mm-hmm. Donc, bon, personnellement, j'ai pas eu de matelas Mérinos. Je sais pas si vous en avez eu. Pas à ma connaissance. Non. Mais parce qu'à l'époque, la concurrence était Dunlopilo, souvenez-vous. Dormez comme vous l'aimez. Exactement. Ouais. Il y avait le truc où tu peux dormir sans faire chier l'autre, mais je ne sais plus lequel c'était. En tout cas, c'était Simons. Ah ben oui, ben oui. Et oui. C'était Simons, c'est Balasco dans la cage d'ascenseur. C'est ça. Et il y a Michel Leeb qui a fait la pub, hein, qui a fait un certain nombre de pubs pour ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Mais pour se réveiller comme ça, c'est pas tant le matelas, c'est la coke qui fait cet effet-là, c'est tout. Ce qu'il le disait pas, mais en fait, c'est sous-titré tellement petit que tu le vois quand même, quoi. Ah, sachant toutefois qu'au bout de 10 ans, un lit n'est plus un lit, c'est un délit. C'est vrai. Et oui. Hein, on l'oublie avec le lit qui roule tout seul, poursuivi par les flics et tout. C'était des grandes pubs, ça aussi. Bref, on dévie. Donc, écoutez, la chanson Mérinos, je pense que vous l'avez dans la tête pour un petit moment. Mais heureusement, dans cette partie, nous avons de quoi faire d'un contre-kems pour vous effacer et vous remplacer par autre chose. À savoir un petit bolino sélectionné par Yetcha de 1982. On reste dans la bonne bouffe, on vient de se lever et on se fait un petit bolino. C'est bah parti. Oui, nickel. Quand on n'a pas envie de préparer le repas, on peut tout de même savourer un bon petit plat. Aujourd'hui, il y a bolino, bolino, bolino, un petit plat tout nouveau. Bolino, bolino, c'est tout simple à préparer. Bolino, bolino, 4 minutes à déguster. Bolino, un bon petit plat de pâtes pré-cuites, déjà toutes cuisinées, à la napolitaine, à la forestière, à la provençale, au fromage et aux herbes fines. Bolino, les petits plats sur le pouce. Bolino. Ah, moi, ça me donne trop envie de manger, hein. Franchement... Et franchement, le bolino. Tu fais un petit bolino avec un peu de tang. Et là, tu retournes dans les années 80. Ouais. C'est incroyable. Donc, moi, le bolino. Qu'est-ce que le bolino, Yetcha? Le bolino, moi, je kiffe. Hein, pour être clair, j'en achète encore. Alors, je suis déçu parce qu'on n'en trouve pas toujours. On ne trouve plus que très difficilement le hachis parmentier. C'était mon préféré. On trouve souvent les pâtes à la napolitaine que j'aime moins. Et par contre, le couscous, on le trouve plus du tout. Alors, ils ont fait du couscous. Ouais, ils ont fait du couscous. Ouais, tout à fait. On avec se des de raisins qui étaient de Garbite, vraiment, mais pas de bolino. Et franchement, non, pour moi, c'était vraiment le meilleur, le hachis parmentier, parce que bon, bah, la purée déshydratée, c'est ce qui passe le mieux quand même ensuite avec de l'eau chaude. Hein. Voilà. Mais car effectivement, rappelons-le, bolino, ce sont des produits déshydratés où il suffit de mettre de l'eau chaude dans un bol. Voilà. Et donc après, on se retrouve avec un plat tout prêt, voilà, à déguster. On laisse l'opercule bien pour que ça regonfle un petit peu. En fait, ils ont repris un petit peu le principe parce que c'était très nouveau en fait comme produit. Voilà, ils ont repris les nouilles japonaises d'abord, par le créateur de Nissin. Qui est décédé il y a quelques années d'ailleurs. C'était vraiment l'inventeur des nouilles instantanées. Il a inondé le marché asiatique. Et c'est vrai qu'ils ont rebondi là-dessus avec des produits plus occidentaux, on va dire. Mais bon, en reprenant quand même les pâtes, hein, parce que dans les premiers bolino, on voit que les quatre produits qui sont présentés, c'est dans la pub qu'on vient d'écouter, c'est que des pâtes. Hein. Il y a pas justement le couscous ou le hachis parmenté dont j'ai parlé. Bolino, donc c'est quand même, faut quand même le citer puisque c'est une reprise de chanson, hein, puisqu'on est dans cette thématique assez reprise de Dalida, la chanson Bambino. Donc c'est quand même, ils ont cherché loin et c'est vrai qu'ils ont dynamisé un petit peu le truc, ça va un peu plus vite, mais c'est juste trop bon quoi. Enfin moi j'adore, je trouve que la reprise est vraiment excellente et puis j'aime bien ce genre de produit, moi, en fait, la petite bouffe rapide comme ça que tu te fais chez toi tranquille quand t'es tout seul. Moi j'aime bien. C'est des bons moments que je passe avec mes petits bolino. J'imagine. D'accord. Pas de bière, pas de café et un petit bolino. Exactement. Avec la couverture, hop, en train de regarder un petit film là. Enfin, bon. Oui, écoute, merci Yetcha. Alors, à titre personnel, j'ai jamais goûté le bolino, mais par contre, des nouilles japonaises ou chinoises, j'en ai beaucoup mangé. Comment ça, jamais goûté bolino? J'ai jamais goûté bolino. Ouais. Ah bah, il faut que tu goûtes quand même. Et puisque tu me dis que ça existe encore, j'ai peut-être. Je serais curieux de savoir parce que moi, j'en ai mangé un tout petit peu à l'époque. Mais c'est pareil, c'était encore au tout début, et on était encore dans un système où tiens, on a envie de se faire un truc super exotique, allons manger de la bouffe de merde. et voilà, il y en avait un, je crois que ça devait être un truc avec de la ciboulette, enfin quelque chose genre pâte. macaroni aux herbes ou un truc comme ça que j'aimais bien. Mais bon, c'est quand même pas terrible, quoi, en soi. Mais il y avait un côté, voilà, oh, bah, on va changer la bonne bouffe de maman, on va manger un truc bien pas bon. Et ouais, c'était. Comme ça, tu seras content de revenir. Mais voilà, c'est ça, on va regarder Disney Channel, et puis, ou je sais plus comment s'appelait l'émission à l'époque. Et puis voilà, en mangeant un truc bien pas bon. Et moi, je trouvais ça assez rigolo. Eh ben, écoute, une fois que t'as la laine bien chargée de Bolino, c'est exactement ça! Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te laves les dents avec ton Ultra Bright. Hein, Wiz, il va nous parler d'Ultra Bright. Allez, de 1986. Il faut bien. Allez. Ça, oui. Allez, c'est parti. Un bon dentifrice. Ah oui, tout de suite, c'est plus classe, là, quand même. Eh oui, bien sûr. Classe, je sais pas si on peut exactement dire ça, mais... Oh si, c'est classe, c'est classe. Donc, Ultra Bright, du dentifrice. Mais pas que. Quelle est cette... Mais pas que, voilà. Alors, c'est parti, oui. Du dentifrice et des œillets. Voilà. Donc on est encore dans une espèce de saga, parce qu'il y en a eu des caisses et des caisses de cette pub, hein, parce que ça avait un visuel un petit peu alerte à Malibu. Ça a commencé dès le début des années 80. À l'époque, la Pamela Anderson d'époque, elle conduisait ces ridicules. Pour ceux qui ont envie de se documenter, c'est très drôle, on en a sur le site de l'INA. Elle conduisait un espèce de tube d'Ultra Bright à moteur qui faisait genre un petit peu Zodiac sur les bords, mais c'était un tube à moteur. Et en fait, elle faisait chavirer les planchistes juste avec la force de son sourire magnétique. C'était absolument fantastique. Et là, pour le coup, dans la pub que j'ai sélectionnée, elle leur fait braver la mort juste pour aller récupérer une fleur. Alors, il paraît qu'à un moment, dans cette série-là, ça a été une rose, et tous les gens à qui je peux en parler me sortent que c'est une rose. Regardez bien, ça n'est pas une rose, c'est un œillet. Parce que la rose, ça a des épines. Et j'étais tombé sur un bout d'interview quelque part où le mec a fait la pub et explique, mais on m'a dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, la rose, t'as la bouche en sang. Donc, on a remplacé. ce qui est pas totalement idiot. Donc, plutôt que d'avoir la bouche en sang, on a remplacé ça par un œillet. Ça peut être tout aussi rouge et ça détruit beaucoup moins la muqueuse. Donc voilà. Moi, perso, je trouvais la pub très sympa, visuellement vachement cool. C'était une pub, je pense qu'elle passait au cinéma, mais c'était une pub vraiment type ciné, parce que en grand écran, c'est génial. Sachant qu'aujourd'hui, elle serait sponsorisée par Red Bull. Oui, probablement. Parce que Red Bull organise aujourd'hui des concours de plongeon depuis je ne sais quel rocher, super haut et ainsi de suite. Donc ça m'a fait penser à ce truc-là en revoyant la pub, effectivement. Ce qui est un peu crétin, parce que Red Bull donne des ailes et là, pour le coup, ça te fait plonger. Mais enfin bon, c'est pas totalement... Et la reprise complètement improbable, un tout petit peu emberlificoté, mais juste qu'il faut, de Kiss de Prince, c'est terrible, quoi. Enfin, moi, ça me faisait beaucoup rigoler à l'époque. S'il avait su qu'on utiliserait sa musique pour vendre du dentifrice, c'est clair. Aurait-il écrit ça? Je ne sais pas. Enfin voilà, moi j'aime bien et ça me plaisait bien à l'époque. Voilà. Tout et ça pour finir. En voyant la pub, ça m'a fait penser à quelque chose. Justement, je m'étais posé la question et je me suis reposé la question en voyant. Ça m'a sauté aux yeux. J'ai jamais compris comment elle fait pour choper son aile delta, la fille, en fait. Parce que elle est tranquille comme ça, on voit rien, et puis d'un coup, pof, elle est en aile delta au-dessus du mec. Voilà, ça, mais juste ça, j'ai jamais compris pourquoi, en fait. C'est la magie du dentifrice. Bah, peut-être, ouais. Remarque, ce sera disponible dans le making of. Il nage tout seul dans l'eau après. Hein, il saute de l'eau, il sort de l'eau. Tu as la réponse dans le coffret 26 DVD Ultra Bright, la saga, avec super, le making of en multi en tout. Enfin, c'est formidable. On peut le trouver en démat ou pas? Je ne sais pas. Mais bientôt une sortie Blu-ray. D'accord, bon, c'est cool. À voir. Bon. Eh ben écoutez, mon dernier choix qui arrive et qui va nous emmener au pays du pain d'épices, à savoir Vandamme et donc Prosper Youplaboum. C'est parti, on s'écoute. Prosper Youplaboum, il est fou de pain d'épices. Prosper Youplaboum, le pain d'épices, quel délice. Le pain d'épices de Prosper, ça fait une formule tonnerre. C'est vraiment super. Excellent avec du beurre. C'est un très bon 4 heures. Mon Dieu, quel bonheur. Prosper Youplaboum, c'est le roi du pain d'épices. Prosper. Pain d'épices, Vandamme, le pain d'épices de Prosper. Alors, notre ami, Prosper. T'as bien fait de préciser le pays du pain d'épices, parce que Vandamme, on pense plutôt au pays des pains, mais... Je crains d'avoir un effet néfaste sur l'ensemble de l'équipe, ça commence à me faire peur. Mais bon, je suis en train d'engendrer des monstres. Oui, elle est bien trouvée, j'avoue, Yetcha, là, jolie. Donc, le pain d'épices. Alors, bah, j'imagine que tous, vous avez déjà mangé votre ration de pain d'épices. Est-ce que je peux dire que j'en ai encore dans mon placard ou pas? Bah évidemment. Oui, d'accord. T'as encore de la place malgré les bolines. Tu pourrais le sacré plaisir. Oui, tu détestes ça, surtout quand c'est du café, surtout quand c'est trempé dans du café. Mais non. Oh là là. J'ai toujours, quasiment toujours un paquet de pain d'épices Vandamme dans mon placard. Moi, j'adore ça. Avec du beurre, là, c'est nickel. Avec du beurre? Ah ouais, un petit peu de beurre dessus. Beurre doux, hein, pas du beurre salé. Et t'as des bolines après par-dessus. J'allais dire, si tu vas faire de la course à pied, tu peux en prendre un peu, effectivement. Exact. Exactement, c'est pour ça que je cours, parce que je prends du Prosper avec du beurre. Bon, alors, on va s'arrêter là, parce que les gens vont connaître toute la vie de Yetcha, entre ses placards, sa course à pied, son beurre sur les pains d'épices. Donc, le pain d'épices, c'est quelque chose qui a fait son apparition plutôt dans les années 70, et à l'orée des années 80, donc la marque Unimel, qui avait créé le personnage de Prosper, décide donc de changer de nom pour devenir Vandamme, et de débloquer surtout un budget conséquent pour des pubs télé. Donc, bien sûr, ces pubs télé mettront en scène l'ours Prosper, et la voix de la pub Prosper, c'est Henri Djanik, ouais, qui fait notamment la voix de Kojak et de Mr. T, entre autres. Donc, il faut savoir que notre ami Prosper a à peu près le gabarit de Groquick, mais en version poilue. Et cette chanson est une reprise d'une chanson de Maurice Chevalier de 1935, à savoir Prosper, tout simplement. Voilà. La chose, donc, quand on voit la pub, à savoir l'ours avec ses trois oursonnes autour, la chose qu'on ignore peut-être, c'est que la chanson de base, donc d'origine de Maurice Chevalier, parle quand même donc de Prosper, qui est un proxénète, qui dispose d'un harem de femmes à Pigalle, et donc le parallèle avec les oursonnes, tout ça, je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Surtout que c'est des petites oursonnes. Voilà, avec l'air coquin. Mais bon, et des nœuds dans les cheveux, enfin bref, tout ça. Non, mais tout ça pour dire que, encore une fois, la marque, enfin la chanson Prosper Youplaboum, c'est le roi du pain d'épices, comme Singing in the Rain et autres. La chanson d'origine de Maurice Chevalier, moi je l'ai découvert bien après, et pour moi Prosper, c'est le roi du pain d'épices, quoi. C'est pas la chanson de Maurice Chevalier, ouais, c'est pas le roi du macadam. Voilà, exactement. Donc toujours est-il que comme Groquick, le problème de l'ours, c'est que il était trop gros. À aujourd'hui, c'est une sous-marque de Lu. On trouve encore du pain d'épices Vandamme, mais avec un seul M, alors qu'à l'origine, il y avait deux M. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai rien de plus à dire, à part que ce pain d'épices a bercé mon enfance, et que, très honnêtement, pour avoir mangé du vrai pain d'épices depuis, c'est quand même très moyen. Ah, ça n'a rien à voir, oui. C'est un industriel. Voilà, et donc voilà. Du coup, messieurs, on a balayé nos trois catégories. On a bien mangé. Hein. On va quand même Et puis un petit café pour finir, Yetcha, non? Avec pas trop, non? Merci. Ok. Bon. On va quand même évoquer une pub qu'on aurait bien voulu mettre, mais qui est pas du tout radiophonique, à savoir. Donc, on a découvert lors de nos recherches, en particulier Yetcha qui nous a débusqué ça du bois, les débuts de Mylène Farmer. Dans une publicité pour le loto en 1982. Alors, Yetcha, peux-tu en 20 secondes nous décrire un peu le rôle de composition que Mylène Farmer tient dans cette magnifique pub. Ouais, donc rapidement, c'est une scène sur la plage, il y a un culturiste qui se balade, et puis il y a un groupe de copines qui voit ce mec en train de rouler des mécaniques. Elle envoie une de ses copines prendre les mensurations du dit monsieur. Donc c'est Mylène Farmer qui se lève donc, et prend les mensurations. Et en fait, quand elle mesure le mollet, le biceps, etc., elle annonce des chiffres que sa copine coche sur la grille du loto qu'elle est en train de remplir, en fait. Voilà. Et donc, en effet, c'est pas très radiophonique, mais on vous mettra le lien afin que vous puissiez vous délecter aussi de cette pub que je connaissais cette pub. Elle m'a dit quelque chose quand je l'ai vue, mais honnêtement, moi, c'était une version plus récente parce qu'ils l'ont reprise après. Mais... Ah, peut-être, alors je sais pas. Mais en tout cas, Mylène Farmer, même si on sait que c'est elle. Et on la reconnaît pas. On la reconnaît pas trop. Hein. Ça, bon. C'était un concept qui était très utilisé dans les pubs du loto. Ouais, je me souviens, ça. Moi, de celle dans le restaurant chinois qui finissait sur il n'y en a plus en cuisine. Voilà. Ils en ont fait des caisses. Bah oui, parce qu'à l'époque, il y avait les fameux restos chinois où tu disais je veux un A405, ouais, un machin. Il a coulé mon porte-avions. Et là, c'était que des numéros qui collaient bien, sauf le dernier il n'y en a plus en cuisine. Parce qu'il faisait sa grille de loto en prenant le menu en même temps. Voilà. C'est un peu ZZ et POSIX, quoi. C'est ça, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse, exactement. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, messieurs, on a quand même pas mal balayé. Il va être temps de fermer. Tu me passeras un coup de balai parce que hier, c'était vraiment dégueulasse et l'atelier, ça ferme à 8h, pas 8h moins le quart. Je vous laisserai deviner de quel film est extrait cette phrase. Donc, on va quand même se faire en conclusion une petite mini-sélection de pubs qu'on a pas évoquées ni catégorisées. Yetcha, est-ce que tu as une ou deux pubs à nous traiter rapidement dans cette rubrique? Bien sûr, bien sûr. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Alors, cette pub-là. T'as plus droit au café et à la bière, je te préviens. Non, mais après avoir mangé tout ça, il va falloir se laver quand même un petit peu. Donc, allez, bah écoute, qu'est-ce que tu nous as choisi? Je vous lance cette pub-là, écoutez bien. Allez, c'est parti. Rue Gamard, il y a le boucher tout taché, il lui faut du costaud pour être à nouveau beau, pour partir au boulot. Rue Gamard, il y a aussi le garagiste qui se tâche, c'est pas triste, faut quelque chose qui fait le poids pour enlever ces taches-là. Rue Gamard, il y a la fille qui est toute blanche, jolie comme un dimanche, propre comme un sous-neuf, comme un printemps tout neuf. Rue Gamard, oui, Gamard, fait mieux le poids contre toute la saleté, et les taches se détachent avec facilité. Rue Gamard, rue Gamard, rue Gamard. Donc voilà, Rue Gamard, ouais, ça c'est vraiment excellent. Ça date de 80. C'est sur, en fait, c'est une reprise de à Paris de Yves Montand. Et tout le monde est sale. Et puis avec Rue Gamard, avec la lessive Gamard, tout le monde devient tout propre. Donc c'est super. Et après tout ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, fallait bien une bonne lessive quand même. Hein. Ça part dans les égouts, ouais. Les goûts et les couleurs. Goldorak, je les confonds, tout ça. Exactement. Anti-redéposition et autres. C'est ça. Ok. Autre chose, Yetcha, pour finir, un petit deuxième. Allez. Oh bah oui, je peux vous en citer un petit deuxième. C'est un petit deuxième. Celle-là, elle va vous plaire, je pense. C'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour, tu te lèves, c'est déjà tout prêt. Bonjour, le café, au lait à la chicorée. Bon, bon, bonjour, c'est tout bon, tout en gaieté. Onctueux, si savoureux, plaisir instantané. Bonjour, le café, au lait à la chicorée. Bon, bon, bonjour, de Nestlé, c'est facile à aimer. Tout seul ou rassemblé, c'est comme vous préférez. Bonjour. Alors voilà, moi j'aimais pas le café et je comprenais pas non plus pourquoi on proposait du bonjour à des enfants, parce que pour moi c'est du café à chicorée ou du lait à la chicorée ou je sais pas trop ce que c'est, mais enfin en tout cas c'est pas des boissons pour les enfants pour moi. Et il y avait des super jeunes qui buvaient ça et qui avaient l'air d'apprécier. Moi j'ai goûté un jour, j'ai failli vomir. Donc moi cette pub, voilà. Mais la chanson est ultime et je l'ai chantonnée plein de fois et voilà, bah c'est. T'as pas aimé parce que c'est bon avec du calva en fait, c'est pour ça. Bah pourtant, je suis du Calvados, alors merde. Bon, et bah écoute, ça marche, Yetcha, les deux petits choix de clôture. Wiz, les tiens? Allez, oui, j'en ai une première qui est un énorme classique et qui nous a aussi, comme d'autres, accompagné tout au long des années 80. Ok, et bah c'est parti alors. Le bain au Bao a un parfum riche et fleuri et une formule adoucissante qui laisse la peau douce et reposée. Obao, soyez douce pour votre corps. Donc une des pubs les plus cochonnes des années 80 et une des portes, enfin une porte d'entrée, vers la culture nippone pour ceux qui n'étaient pas forcément accro aux dessins animés de l'époque. Bon, il y en avait quelques-uns que je regardais avec plaisir, mais enfin voilà, c'était une autre manière d'appréhender le pays du soleil levant. Il était voilà. Et moi j'aimais beaucoup le produit en soi, parce que quand j'avais la possibilité de choisir le bain douche, je prenais Obao. Et juste comme ça, pour l'anecdote, la bouteille avait servi un petit peu d'inspiration à Rezer dans une bande dessinée que je ne nommerai pas parce qu'il y a un gros mot dedans. Mais voilà. Ah, ok, ça marche. Et un petit deuxième pour la route ? Yes ! Allez, dis-nous. Alors en fait, je vais choisir, j'en avais pris une autre entre les deux, mais je vais choisir la troisième. C'est la pub de la carte Kiwi. Ah oui, je l'avais aussi dans mes cinq choix. Elle est bonne. Kiwi. Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton aussi. Et ta marraine aussi. Billets s'il vous plaît. Oui, voici la carte Kiwi. Nos billets moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. L'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi. Et on voyage à moitié prix. La carte Kiwi. Eh oui. Eh oui, moi je me souviens de la carte jeune, mais pas de la carte Kiwi. Si tu payes le prix, t'as rien compris. je n'ai eu ni la carte jeune, ni la carte Kiwi. Ah, donc, moi j'ai eu les deux. Ben voilà, chacun a son truc. C'est un peu l'arrivée des guignols avant les guignols. Pourquoi tu dis avant les guignols ? 87. 87, les guignols, c'est pas... Canal, c'est 84, c'est ça ? C'est pas 85 ou 86, les guignols ? Les guignols, ouais, c'est 88. Ah, c'est 88 ? Ah bah autant pour moi, alors je pensais que c'était juste avant. C'est 88. D'accord, et, bah peut-être. Et il faut quand même noter que ce pauvre personnage, il a la carte Kiwi, c'est formidable, mais enfin, il a quand même comme tonton le sosie de François Fillon et comme marraine la sosie d'Isabelle Balkany. Donc, bon, ça fait un petit peu mal, quoi. C'est un mauvais départ dans la vie. Donc, la SNCF, là, bon, ça part sur une bonne idée, mais ça finit un petit peu en eau de boudin. Donc, ces personnages sont horribles, quoi. Enfin, ils font peur, ces marionnettes. Oui, non, c'est clair. Ouais, de mon côté, bah, deux petits choix. Je vais commencer par le tabouret le plus célèbre des publicités françaises. À tout de suite. À savoir, alors bon, bah, allez, on se l'écoute vite fait. Préparation H soulage la douleur, favorise la cicatrisation. Préparation H est un médicament. Donc, préparation H, bien sûr. Oui, tout à l'heure. D'accord. Je tiltais pas. D'accord, ok. Aïe. Ok. Donc, effectivement, comme je le disais, le tabouret le plus célèbre de la publicité française. Il faut savoir que, pareil, quand on voit cette pub, on se dit, mais pourquoi un tabouret? Non, mais, enfin, honnêtement, je veux dire. Parce que ça fait mal de s'asseoir, monsieur. Bah oui, mais alors, déjà, un hémorroïde. Donc, quand on est ado ou enfant, on se dit, mais, enfin, déjà, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, pourquoi, alors préparation H pour hémorroïdes, mais pourquoi préparation, je ne sais pas. Cette pub a toujours été obscure pour moi. Je me souvenais beaucoup du effectivement de la aïe, le côté un peu flamenco, ce que tu veux. Mais voilà, c'est une pub qui m'a marqué et D'un autre côté, quand t'as les spots publicitaires qui sont encombrés de pubs pour les tampons et autres serviettes périodiques, que t'as 8 ans et que t'es un garçon, t'as pas véritablement non plus d'idée de ce à quoi ça sert. C'est pas faux. Mais si en plus t'as des hémorroïdes par-dessus, mon pauvre, c'est drôle. C'est vrai que maintenant que tu le dis, les trucs nana et compagnie dans les petits coussins, genre limite comme des berlingots alors qu'elles sont dans un bateau et tout, c'est vrai qu'on a. C'est ça, mais tu dis, c'est Vania Pocket. C'est pas juste. Moi, pourquoi j'en ai pas des trucs comme ça quand même? C'est vrai. Quoi. C'est vrai. Je suspecte Wiz d'en avoir acheté, même si ça lui servait à rien. C'est pas vrai. Juste pour l'emballage. Non, même pas. Ok. Et puis, la dernière, parce qu'on est trois, mais que normalement c'est tous les deux, mais on s'écoute mon dernier choix. C'est parti. On se fait un petit caprice ? Ici ? Tous les deux ? Oh, bah d'accord. Bon, alors, bon. Terminus ! Tout le monde est deux amuse des vieux. Un fromage si doux, si tendre, qu'on ne veut le partager qu'à deux. Caprice à deux, caprice des dieux. Alors, Le Caprice des Dieux de 1989, c'est une pub. Donc, alors, déjà, un point sur le produit. Le Caprice des Dieux, pour moi, c'est très mauvais. C'est, comme fromage, je déteste Le Caprice des Dieux. Oh, moi, après, c'est mon goût personnel. Hein, c'est... Je ne suis pas fan du Caprice des Dieux. Mais par contre, cette pub où notre ami Thierry Redler, oui, à savoir Marc dans Les Filles d'à côté, évidemment, paix à son âme, puisqu'il nous a quittés en 2014... voilà, donc il se retrouve donc dans une, dans un téléphérique, on peut dire, avec toute une meute de skieurs et une créature de rêve qui lui propose de se faire un petit caprice tous les deux. Et en fait, il actionne une manette d'évacuation qui, en gros, fait disparaître le fond du téléphérique et fait tomber tous les skieurs qui se retrouvent plantés dans la neige. Oh. Et c'est vrai que cette pub, je la trouvais géniale. Le produit en lui-même, je l'aimais pas, mais la pub Caprice à deux, Caprice des Dieux, je trouvais ça plutôt bien trouvé, voilà. Ouais. Et puis comme ça permettait de mentionner Thierry Redler. Il semble qu'à l'époque, je me souviens qu'il y avait des gens qui me racontaient ça, que à l'époque, ceux qui allaient skier plus ou moins régulièrement tombaient toujours au moins une fois sur le bout en train de la classe qui faisait le coup. Dès que tu montais dans un télécabine, il y en avait toujours un pour faire on se fait un petit cabrice. Et voilà, c'était a priori assez récurrent comme van à 2 francs. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Ah oui, bon. Et puis j'avais aussi pensé à Tony Glandil et Tony Gencil, mais je le ferai pas. Voilà, je vous laisse tu vois, ça c'est les gencives et ça c'est les dents. C'est ça, mais on fera un volume 3. Voilà, on va être obligé de revenir. La cochonnerie dans la pub. Oh là là. Oh, très bonne idée ça, Wiz. Bon, je le note. On pourra parler de Loulou chez Cacarel, alors. C'est ça. Oh là là, ça va être n'importe quoi. Écoutez, merci messieurs, en tout cas, de votre participation active à cette évocation de la musique dans la pub. Il me reste, chers auditeurs et auditrices, à vous souhaiter un bon retour dans les années 2000 et plus. Et puis, à vous dire à très très bientôt pour un nouveau cadeau Benux ou pour un épisode d'80s le podcast. Laissez-nous vos retours sur Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Et puis, à très très bientôt. On se quitte sur une musique très marquante des années 80. On vous laisse deviner ce que c'est. Et puis, à très très bientôt. Ciao, ciao, salut. Salut. Salut à tous. Bon appétit. Yeah. bois du panaché. Panache, le vrai, le panaché comme au café. Panache quand il fait chaud. Panache quand il fait soif. Attention, c'est parti, ouvrez, versez. Rabat.